meutes, 113, les meutes, 113, les meutes, 113, les meutes. Arrivant telle une émeute dans la brousse, du son dansant comme les percus, lâché dans la meute sans parachute. Mais par rapport à ça, la racine grandit, il faut du flouze. Et dans le blouson, en plus, les baraques à me bassinent. Donc avec les frères, c'est Thug Life. Dans la ville, 7 sur 7, et pour 7 figés sur place, rien on obtient des cons en costume, avec trop de thunes. Indépendance dans la démence, cousin, on lance les dés pour dimanche bourse. Les gens à plein, à rapport, frappe le détail dans le bâtiment. Plein de bordel dans Panama, personne aide nous, alors on fait nous les hors la loi. Là pour leur cacher comme le hors là, la tête sous vos draps glissent, exorbitant sur beat dans la vie, fuck le chien. On t'envoûte comme l'exorciste, du rap on est les grossistes, lâché dans la meute sans parachute. Pas de maison de 10, jette les dés, t'as dû reconnaître le 9-4, toujours rien de net. On t'envoûte comme l'exorciste, du rap on est les grossistes, lâché dans la meute sans parachute. Pas de maison de 10, jette les dés, t'as dû reconnaître le 9-4, toujours rien de net. On a plus le temps d'attendre, on est là pour traumatiser l'audimat, mais qui me promet la gloire dans le rap. Indépendant, comme dans un embargo, on s'en sort seul comme des réfugiés sans mago. Cash, money, substance illicite, qui leur a parlé du cash caché dans le cargo. Autoproduction, amour et passion, liberté d'expression, science et inspiration. Conception de l'Afrique pour les mains de ma nation. C'est les meutes d'une meute de black, une bande de bougnoules. Et pas besoin de cagoule pour ceux qu'on a bougnoule. Maison 10, caviar au marbis. 100 fois mon hall, ma tête d'aille, des fois ils m'ont dit voilà, il bilaye le rap français, je vais le péter. On t'envoûte comme l'exorciste, du rap on est les grossistes, lâché dans la meute sans parachute. Pas de maison de 10, jette les dés, t'as dû reconnaître le 9-4, toujours rien de net. On t'envoûte comme l'exorciste, du rap on est les grossistes, lâché dans la meute sans parachute. Pas de maison de 10, jette les dés, t'as dû reconnaître le 9-4, toujours rien de net. J'rentre dans le son sans faire toc toc. Ida Ida Block, c'est quelques rimes pour ses potes potes. Première apparition, j'arrive ses ports sous coque. Apparition, sous le choc. En écoutant ce pur son taillé dans le rock. Pour les vrais qui baissent pas leur froc. Choc, tous ces majeurs qui favorisent du rap aussi fuck du toc. Donc 2002, Wapas Road lance des en Inde. Et c'est pas ce que la pétanque la soit planée. Peu de flemmards, même bise, même rengaine, peu de vénards. Rien d'honnête, malhonnête, incorrect. La pression explose des baromètres. Entre pain clair et teint foncé, Jean à Jean ou défoncé. On vient tout prendre sur marché. Sans DA, sans contrat et sans maison de disque. Kiss notre insolence, rien à foutre, trop l'offre du risque gros. On t'envoûte comme l'exorciste, du rap on est les grossistes. Lâché dans la meute sans parachute, pas de maison de disque. Jette les dés, t'as dû reconnaître le 9-4, toujours rien d'honnête. On t'envoûte comme l'exorciste, du rap on est les grossistes. Lâché dans la meute sans parachute, pas de maison de disque. Jette les dés, t'as dû reconnaître le 9-4, toujours rien d'honnête. On avait dit que c'était les meutes, man.